Le Rhône de Charles Arriba, enregistré pour LibriVox.org par Ezoa en Belgique en septembre 2010. À mon ami Gaston Benet. Ce fleuve impétueux qui féconde ses rives et qui, fort de sa force et fort de sa bonté, roule éternellement ses vagues fugitives, c'est le Rhône qui court, ivre d'immensité. Fils des Alpes, nourri des neiges éternelles, il descend en chantant les rapides coteaux et traverse un grand lac aux ondes fraternelles qui donne au fleuve altier le baiser de ses eaux. La France le reçoit ainsi qu'un jeune athlète, saint du laurier vainqueur dans le cirque romain, et, couronnant de fleurs sa limoneuse tête, dans son lit de roseau le conduit par la main. Mais Lyon, dans la brume, attend ses eaux rapides. Il part, se creuse un lit sous des rocs et s'enfuit comme un cheval ardent qui galope sans bride et livre sa crinière au vent qui le poursuit. Il rentre dans Lyon comme un roi dans sa ville, reflète dans son sein ses quais et ses maisons, et, toujours grandissant, majestueux, fertile, roule ses flots hardis aux lointains horizons. Avignon, Avignon, ô chanteuse, ô sirène, pourquoi la languitude en de charmants détours? Et pourquoi baignes-tu comme une jeune reine tes pieds blancs et polis au cristal de son cours? Ne le ralentis plus, charmeuse, c'est le Rhône. Coquette, c'est un fleuve et non pas un miroir. Ô nymphe, de tes bras laisse échapper le faune. Sais-tu quelle est sa tâche et quel est son devoir? Il s'enfuit en courant, mais Arles qui le guette, avec son velours noir et son fichu plissé, Arles, au parler plus doux que le miel de l'hymette, l'attire sur son sein, ainsi qu'un fiancé. Et sous le ciel d'azur et d'or de la Provence, le fleuve souverain, mollement entraîné, ainsi qu'un jeune dieu superbement s'avance, étalant au soleil son manteau satiné. Mais l'horizon bleuit et s'emplit de paillettes. C'est la mer aux sourds gémissements, aux abîmes profonds, aux vagues inquiètes, et qui, pour l'engloutir, attend son fol amant. Le grand fleuve, enivré par les brises marines, s'élance vers la mer au taureau furieux, et, trouvant la Camargue aux lagunes salines, divise sa puissance en deux bras sinueux. Et ses tronçons perdus dans des espaces mornes, roulent vers le rivage aux flots mousseux et blancs, bondissent sur le sable et, pareils à deux cornes, de la mer irritée, ils déchirent le flanc. Fin du poème. Cet enregistrement fait partie du domaine public.